Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le problème des eaux usées qui coulent de part et d'autre des avenues du quartier Buyenzi date de depuis longtemps. Désilé Mazimaka, administrateur de cette commune, affirme qu'il va demander très prochainement une intervention de cet ému afin de mettre fin à cette situation. La police a tiré en l'air ce matin pour disperser les gens qui étaient en réunion jugée non autorisée par l'administration à Boutelele 1, cellule B. 6 personnes ont été arrêtées. Les cérémonies de Isanganiro Award édition 2016 sont en train de se dérouler à la Costa Beach. Emeline Bonabucha s'est rendue sur les lieux. Elle va nous dire les détails de ces cérémonies dans ce journal. Voilà pour les grands titres. Ce journal vous est présenté par Christelle Anizigama. Et la mise en onde est assurée par Nadia Nsabimana. Tout de suite, les détails. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Environ 18 jeunes sont au cachot de la police à Gitega depuis ce vendredi. La police fait savoir que ces jeunes allaient chercher du travail dans d'autres provinces alors qu'actuellement c'est interdit par la loi dans le but de sauvegarder la sécurité. Sachez que la police va collaborer avec l'administration pour que ces jeunes regagnent leur famille. L'administrateur de la commune Mukaza indique que le problème des eaux usées qui coulent de part et d'autre des avenues du quartier Buyenzi à Merido, Bujumbura, date de depuis longtemps. Désiré Mazimhaka appelle les administratifs à la base d'accompagner les travaux d'évacuation des eaux usées et affirme qu'il va demander très prochainement l'intervention de cet ému afin de mettre fin à cette situation. Suivez Désiré Mazimhaka. Aujourd'hui, alors, ce que nous pouvons dire primordial pour nous, c'est de sensibiliser la population, de préparer leur ménage, de faire la propreté, de tirer leur caniveau, de nettoyer aux alentours de leur parcelle. Je pense que ça viendra à l'implication des autorités locales, c'est-à-dire les chefs de quartier. Nous demandons aux chefs de zone et aux chefs de quartier d'approcher la population, de contrôler si les réunions de sensibilisation sont tenues, voir si les réunions des comités mixtes de sécurité, les gens se rencontrent régulièrement pour évoquer leur situation. Deuxièmement, nous allons solliciter à l'administration locale de nous transmettre le rapport hydratif pour nous dire que voilà la situation qui prévaut actuellement au niveau de l'hygiène. C'est-à-dire qu'après avoir réussi tout cela, nous allons approcher nos supérieurs pour demander l'intervention de cet ému. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que chaque jour qu'il y aura ces situations, qu'il y aura toujours l'intervention de cet ému via l'administration. C'est-à-dire que la population doit être conscient de ce qui se passe chez eux. Le gouvernement a déjà mis ces installations. C'est à la population de prendre cette éducation, d'entretenir ces installations. C'était Désiré Mazimhaka, l'administrateur de la commune Mukaza. Les jeunes constituent un grand nombre de la population. C'est pour cela qu'ils ont été mis en avant pour cette journée internationale dédiée au premier secours pour la Croix-Rouge. Ce sont les propos de Vénérant Zigamasabo, chef des programmes au sein de cette organisation. Il ajoute également que les victimes des premiers accidents peuvent être assistées par les jeunes enfants qui ont été formés durant ces vacances. Suivez-le. Cette année-ci, on a préféré dédier le thème aux jeunes. Tantôt, d'abord pour montrer le rôle crucial des premiers secours dans la vie de tous les jours. Mais il a été dédié aux jeunes pour montrer leur importance. D'abord, ils sont plus nombreux. Ils représentent autour de 26% de la population, qui est aussi à haut risque d'accident. Donc, il y a besoin de maîtriser des notions de premiers secours pour d'abord assister, se sauver, et sauver les camarades, mais aussi assister les personnes adultes dans leur milieu, mais aussi dans leur famille. Cette journée a pour thème les premiers secours pour et par les enfants et les cérémonies ont été célébrées dans la zone de Kamenge pour la mairie de Bujumbura. La langue swahili a une contribution dans le développement du pays comme tant d'autres langues. L'obstacle majeur que rencontre cette langue est que les Burundais ne comprennent pas l'importance de cette langue. Ceci a été dit par Mbonabucha Patience, le secrétaire général de Kamakawa, une association des étudiants qui apprennent le swahili dans un congrès tenu ce vendredi. Les détails avec Louberinga Bogildas. La langue kiswahili vient d'être proclamée comme langue officielle des pays de l'Afrique de l'Est. C'est pour cela que l'association Chawakama, réunissant les étudiants qui apprennent le kiswahili, ont organisé un congrès pour sensibiliser les gens sur l'importance de la langue kiswahili. Bonabucha Patience, le secrétaire général de Chawakama, nous dit l'intérêt de cette langue dans la société burundaise. Nous ferons accomplir une chose, soit dans le domaine intellectuel, aussi au niveau de la commerce, parce que nous en avons quelques commerces ici. Nous pouvons même passer les frontières. Interrogé sur le problème de certains enseignants qui n'ont pas de compétences requises pour enseigner la langue kiswahili dans les écoles primaires surtout, le secrétaire général de Chawakama demande que ces enseignants aient plus de séances de formation. C'est très dommage. Les enseignants d'aujourd'hui du kiswahili ne sont pas tous bien formés. Nous proposons que les séances de former des enseignants soient en abondance, je dirais. Bonabucha Patience, le secrétaire général de Chawakama, demande au ministère concerné de leur ouvrir les portes et leur soutenir dans leurs projets. C'était Ruben Ngabo Gildas. 6 personnes ont été arrêtées depuis ce matin par la police nationale à Boutelele 1, cellule B. Ils sont accusés de tenir une réunion non autorisée où ils étaient en train de parler de leurs problèmes fonciers. Ces habitants de Boutelele pointent du doigt le chef de zone Boutelele de vouloir les exproprier de leurs parcelles. Placide Niomongele a suivi le déroulement des faits. De coups de feu qui a interrompu la rencontre des propriétaires des parcelles dans la localité de la 3e cellule du quartier Boutelele 1, tenue à la fin des travaux communautaires de ce samedi. Les habitants de cette 3e cellule accusent le chef de zone Boutelele, Ernest Nduimana, de vouloir s'emparer par force les parcelles de ses propriétaires en usant une force. Ce comité dit s'être rendu à maintes reprises à la zone pour demander une note officielle pour qu'il puisse déménager, mais en vain. Ce lundi, le chef de zone Boutelele, Ernest Nduimana, a fait sortir par force de son bureau ce comité et exigeant son remplacement. En date 17 septembre, ce comité a reçu une correspondance signée par le directeur général de l'urbanisme Masadele Amis Nhangibingura, mais cette dernière n'est pas estampillée, ce qui a inquiété cette population et le qualifie de tract. Alors qu'ils étaient en pleine réunion ce samedi, la police a voulu arrêter le président de ce comité, Athanase Nizigimana, avec succès, mais en usant également la force. Et d'autres parmi les participants ont été battus. Cette population trouve qu'il s'agit d'une stratégie utilisée par le chef de zone Boutelele dans le but de s'approprier cette partie de plus de 500 hectares ou bien l'attribuer illégalement à d'autres particuliers. Alexis Ndikumniko, le chef de quartier Boutelele 1, affirme que cette population est l'acquéreur de bonne foi car elle détient toutes des documents légaux. De notre départ de la zone Boutelele vers 12h, 6 personnes, y compris une femme enceinte, avaient déjà été arrêtées par la police et cette dernière, à bord de 2 motos, continuait le même mouvement dans cette localité. Trois personnes sont mortes, 7 autres ont été grièvement blessées lors des accidents de roulage survenus la semaine passée sur la route Bujumbura-Bubanza et sur la route Bujumbura-Chibitoke. Le commissaire provincial de la police précise que les grandes causes de ce sont notamment l'excès de vitesse et l'ignorance du code de la route. Vous n'avez pas Isangani l'eau? Vous ratez l'essentiel. Vous le disiez, Spes Caritas Caravagnana va nous dire les détails de ce reportage. Les accidents de roulage sont devenus fréquents sur les routes de la province de Bubanza ces derniers jours. 6 cas d'accidents ont été enregistrés la semaine passée et 10 passagers ont été grièvement blessés, comme l'a précisé le commissaire provincial de la police à Bubanza lors de la réunion de sécurité tenue ce mardi en commune Mosigati. Mais nous avons appris par après que 3 de ces victimes ont succombé à leurs blessures. Un véhicule de type IAS transportant les passagers de Bujumbura vers Lugombo égaré devant les bureaux de la police à Gihanga depuis bientôt 2 semaines. Il a cogné un cycliste qui est mort sur le champ et le chauffeur a refusé de comparaître chez l'officier de police judiciaire selon des sources policières. Les habitants de Bubanza que nous avons approchés déplorent le fait des routes RN9 et RN5 n'ont pas de panneaux de signalisation ni de dos d'âne, que ce soit tout près des écoles, des hôpitaux, des agglomérations, des ménages et autres. Le commissaire provincial de la police ajoute que parmi les causes de ces accidents figurent aussi l'excès de vitesse et l'ignorance du code de la route. La police a procédé la semaine passée à une rafle sur les routes et 60 motos dont les chauffeurs n'avaient pas de permis de conduire ont été saisies. Le commissaire Damien Nizigimana demande aux chauffeurs et à tous ceux qui le désirent d'apprendre le métier à travers les auto-écoles et de passer les examens pour conduire par après. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kabanyana. Je vous le disais dans les titres, allons à la Costa Beach où se déroule ce 10 septembre la finale Isanganiro Award version 2016. Nous sommes en ligne avec notre consoeur Emeline Nibogora qui est en train de suivre cette activité pour le compte de la radio Isanganiro. Emeline, bonjour. Bonjour. Quelle est l'ambiance qui règne à la Costa Beach? Oui, vous entendez déjà, il y a la musique. La Costa Beach est bien décorée. Certains artistes qui vont aider à animer le concert sont déjà là. Oui, il y a les matériaux qui vont nous permettre de faire la retransmission en direct qui sont déjà installés. En quelques mots, nous sommes prêts à accueillir un grand public. Merci Emeline pour les détails. Vous allez continuer à suivre les cérémonies de ce Isanganiro Award. Nous saurons plus tard celui qui va gagner. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Actualité internationale, au Bangladesh, au moins 15 sont morts et 70 blessés dans un incendie ce samedi provoqué par l'explosion d'une chaudière dans une usine d'emballage située au nord de ce pays. Et en RDC, les violences ont éclaté ce vendredi après la mort d'un civil tué par balle. Les mesures de sécurité ont été prises par le Conseil de sécurité dans la région. Enfin, au Mali, 3 soldats maliens ont été tués ce vendredi dans une embuscade tendue par les djihadistes présumés. Les détails de ce reportage avec Didier Nyonzima. Au Mali, 3 soldats ont été tués vendredi dans une embuscade tendue par des djihadistes présumés dans le centre du pays. Les victimes faisaient partie d'une unité d'escorte d'un convoi qui rentrait à Gao, la plus grande ville de la région du nord du Mali. Selon le site web de la BBC Afrique, une autre source militaire a confirmé l'information, faisant état de la présence d'une délégation de l'état-major des forces armées dans la région au moment des faits. 3 autres militaires avaient été tués la semaine dernière à Boni lors d'un assaut désormais armé. En RDC, des violences ont éclaté ce vendredi à Kasumbalesa, une ville située à une centaine de kilomètres de Lubumbashi, après la mort d'un civil tué par balle. Selon le site web de la RFI, pour la population, l'obscurité est l'un des éléments qui favorise les crimes dans cette ville, car elle connaît de longues périodes d'interruption de fournitures électriques et les brigands en profitent pour commettre des forfaits à répétition. En réponse, l'autorité provinciale a décidé de renforcer l'action de la police à Kasumbalesa, de remplacer le commandement actuel et de revoir le nombre des effectifs du contingent. Et enfin au Bangladesh, un énorme incendie provoqué par l'explosion d'une chaudière dans une usine d'emballage au nord de Dhaka a causé beaucoup de dégâts humains. Au moins 15 personnes ont été tuées ce samedi et 70 blessées selon les sources provenant des responsables policiers et hospitaliers. Ils ajoutent craindre que des victimes soient toujours piégées à l'intérieur du bâtiment. D'après le site web de la RFI, un autre incendie dans l'usine de Tazrin à Dhaka avait tué 111 salariés. 6 mois plus tard, plus de 1100 personnes avaient trouvé la mort lors de l'effondrement du complexe textile du Rana Plaza à Dhaka. Et c'est par ici que nous mettons point final à cette édition avant de nous quitter. Le rappel des titres. Le problème des eaux usées qui coulent de part et d'autre des avenues du quartier Buyenzi date de depuis longtemps. Désiré Mazimaka, administrateur de cette commune, affirme qu'il va demander très prochainement une intervention du CTMU afin de mettre fin à cette situation. La police a tiré en l'air ce matin pour disperser les gens qui étaient en réunion jugée non autorisée par l'administration à Boutelele 1, cellule B. 6 personnes ont été arrêtées. Les cérémonies de Isanganiro Award édition 2016 sont en train de se dérouler à la Costa Beach et dans quelques instants, dans quelques heures, vous saurez l'heureux gagnant. Ainsi se referme ce journal, mais avant de nous quitter, suivez pour le moment la revue de la presse hebdomadaire avec Francine Ndiokoubgayo et Léonce Bitaliro. Ce journal, vous étiez présenté par Christelle Anizigama à la cabine technique. Vous étiez avec Nadia Nsabimana. Un bon après-midi à tous. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Je ne suis pas dans les institutions pour avaler les thèses du CNDD-FDD, s'exprime le premier vice-président de l'Assemblée nationale dans une interview exclusive lui accordée par le journal Iwachu. Agathon Gwasa indique que bien qu'il occupe un poste au Parlement, il a de l'empathie pour ses concitoyens. Il a ajouté que la situation que traverse le Burundi était inquiétante car il fait face à beaucoup de défis. Des exactions du pouvoir envers ses militants alors qu'il est dans les institutions, Agathon Gwasa répond que les dirigeants du CNDD-FDD ne supportent aucune rivalité. Ce député ajoute que la situation est telle qu'elle, depuis 1994, il croyait que ce genre d'attitude pouvait changer avec le temps, mais en vain. Des agriculteurs découvrent des ossements dans leurs champs, dans la zone Bugarama, titre l'agence en ligne Net Press. L'endroit se trouve à Gatebe, plus précisément derrière un mess des militaires où des voyageurs en provenance ou vers l'intérieur du pays font escale pour se désaltérer. Ces derniers ont vite alerté les autorités provinciales qui se sont dépêchées sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Selon des informations concordantes, ce pourrait être une fosse commune des personnes enterrées sans que l'on sache dans quelles circonstances elles ont trouvé la mort. C'est dans ce contexte que les autorités ont interdit toute activité pour qu'il y ait des enquêtes qui définiront ce qui s'est passé réellement. Et l'agence doit poursuivre que la zone Bugarama de la province Muramvya devient de plus en plus tristement célèbre, car tous les journalistes ont encore en mémoire la disparition de notre confrère Jean Bigirimana, presque au même endroit, le 22 juillet 2016. Deux semaines plus tard, deux corps flottants avaient été découverts dans les eaux de la rivière Mouarazi, à quelques kilomètres de là. Toute une année à la maison, le journal Iwachu s'interroge sur l'avenir d'environ 80 000 élèves de la 9e et de la 10e année qui ont réussi en classe mais qui ont échoué au concours. Ils n'ont pas le droit d'avancer de classe ou de reprendre l'année. Les parents craignent que leurs enfants deviennent des délinquants. Les syndicats tirent une sonnette d'alarme. Emmanuel Machandari, président du CONAPES, trouve que les concernés sont encore adolescents qui ne sont pas en mesure de s'organiser eux-mêmes. Le journal et la voix de l'enseignant proposent que, comme dans les années passées, la réussite en classe ne devrait pas être considérée. Ce journal écrit également que les écoles d'excellence sont loin de jouir d'une bienvenue. Les responsables scolaires, les enseignants, les parents comme les élèves ne s'expliquent pas les critères de choix ayant prévalu à la sélection de ces écoles dites d'excellence. Revue de la presse. L'ABP mentionne le numéro vert introduit par la Croix-Rouge pour aider la population de Kirundo. La mise en place du numéro 109 facilité par l'Onatel et d'autres compagnies de télécommunications permettra à la population de Kirundo d'alerter les défis rencontrés afin que la Croix-Rouge puisse sauver le plus tôt possible. L'épidémie de choléra fait encore parler d'elle à Kawezi selon toujours l'ABP. 4 nouveaux cas sont enregistrés mardi au centre de traitement de Kawezi. Ils s'ajoutent aux 196 autres déjà enregistré à ce même centre, dont 63 en provenance de Luziba et Kajiji, en mairie de Bujumbura. Le 8 septembre de chaque année, Le Monde célèbre la journée internationale de l'alphabétisation, écrit le journal Burundi Echo. Le Burundi se classe 43e sur 53 pays africains recensés. Au Burundi, cette journée est arrivée au moment où l'alphabétisation avance à pas de tortue, avec une évolution annuelle qui se situe en dessous de 1%. Cette évolution insignifiante s'explique par le manque de moyens financiers et humains et à la non-implication effective des autorités compétentes, écrit Burundi Echo. L'éjaculation précoce n'est pas une fatalité. Le journal Iwachu écrit que ce trouble sexuel masculin frustrerait plus d'un. Félix, une trentaine, affirme souffrir de temps en temps de cette anomalie. Bien que l'origine de l'éjaculation précoce reste en partie mystérieuse, quelques-unes sont suspectées. Stress, tension au sein du couple, troubles érectiles, consommation de certaines drogues, etc. Pour un conseiller conjugal et sexuel, les préliminaires et certaines positions pendant le rapport sexuel peuvent être des solutions. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse et vous a été présentée par Léon Sebitaliho et Francine Ndo Kubgayo. Très bonne semaine à tous. À la prochaine. Revue de la presse.